La princesse Chervanski croyait impossible de célébrer le mariage avant le grand carême à cause du trousseau dont la moitié à peine pouvait être terminée jusque-là, c'est-à-dire en 5 semaines. Elle convenait cependant qu'on risquait d'être arrêté par un deuil si l'on attendait jusqu'à Pâques, car une vieille tante du prince était fort malade. On prit donc un moyen terme en décidant que le mariage aurait lieu avant le carême, mais qu'on ne recevrait qu'une partie du trousseau immédiatement et le reste après la noce. Le jeune couple comptait partir pour la campagne aussitôt après la cérémonie et n'avait pas besoin de grand-chose. La princesse s'indignait de trouver Lénine indifférent à toutes ces questions. Toujours comme à moitié fou, il continuait à croire son bonheur et sa personne le centre, l'unique but de la création. Ses affaires ne le préoccupaient en rien, il s'en remettait aux soins de ses amis, persuadé qu'ils arrangeraient tout pour le mieux. Son frère Serge, Stepan Arkadievitch et la princesse le dirigeaient absolument. Il se contentait d'accepter ce qu'on lui proposait. Son frère emprunta l'argent dont il avait besoin. La princesse lui conseilla de quitter Moscou après la noce. Stepan Arkadievitch fut d'avis qu'un voyage à l'étranger serait convenable. Il consentait toujours. « Ordonnez ce qu'il vous plaira, pensait-il. Je suis heureux. Et quoi que vous décidiez, mon bonheur ne serait ni plus grand ni moins grand. » Mais quand il fit part à Kitty de l'idée de Stepan Arkadievitch, il vit avec étonnement qu'elle n'approuvait pas ce projet et qu'elle avait des plans d'avenir bien déterminés. Elle savait à Lénine des intérêts sérieux chez lui, dans sa terre, et ses affaires, qu'elle ne comprenait ni ne cherchait à comprendre, lui paraissaient cependant fort importantes. Aussi ne voulait-elle pas d'un voyage à l'étranger et tenait-elle à s'installer dans leur véritable résidence. Cette décision très arrêtée surprit Lévin, et toujours indifférent aux détails, il pria Stepan Arkadievitch de présider avec le goût qui le caractérisait aux embellissements de sa maison de Pakrovski. Cela lui semblait rentrer dans les attributions de son ami. À propos, dit un jour Stepan Arkadievitch, après avoir tout organisé à la campagne, as-tu ton billet de confession ? Non, pourquoi ? Ah, on ne se marie pas sans cela. Aïe, aïe, aïe, s'écria Lévin. Mais voilà 9 ans que je me suis confessé, et je n'y ai absolument pas songé. Ah, c'est joli, dit en riant Stepan Arkadievitch, et tu me traites de nihiliste. Mais cela ne peut se passer ainsi, il faut que tu fasses tes dévotions. Mais quand ? Nous n'avons plus que 4 jours. Stepan Arkadievitch arrangea cette affaire comme les autres, et Lévin commença ses dévotions. Incrédule pour son propre compte, il n'en respectait pas moins la foi d'autrui et trouvait dur d'assister et de participer à des cérémonies religieuses sans y croire. Dans sa disposition d'esprit attendrie et sentimentale, l'obligation de dissimuler lui était odieuse. Quoi ? Railler des choses saintes, mentir, quand son cœur s'épanouissait, quand il se sentait en pleine gloire, était-ce possible ? Mais quoi qu'il fît pour persuader à Stepan Arkadievitch qu'on découvrit bien un moyen d'obtenir un billet sans qu'il fût forcé de se confesser, celui-ci resta inflexible. « Mais qu'est-ce que cela te fait ? 2 jours seront vite passés, et tu auras affaire à un brave petit vieillard qui t'arrachera cette dent sans que tu t'en doutes. » Pendant la première messe à laquelle il assista, Lévin fit de son mieux pour se rappeler les impressions religieuses de sa jeunesse qui, entre 16 et 17 ans, avait été fort vive. Mais il n'y réussit pas. Il entreprit alors de considérer les femmes religieuses comme un usage ancien, vide de sens, à peu près comme l'habitude de faire des visites. Il n'y parvint pas davantage, car, ainsi que la plupart de ses contemporains, il était absolument dans le vague au point de vue religieux, et incapable de croire, il l'était également de douter complètement. Cette confusion de sentiments lui causa une honte et une gêne extrême pendant le temps consacré à ses dévotions. Agir sans comprendre était, lui criait sa conscience, une action mauvaise et mensongère. Pour n'être pas en contradiction trop flagrante avec ses convictions, il chercha d'abord à attribuer un sens quelconque au service divin avec ses différents rites, mais s'apercevant qu'il critiquait au lieu de comprendre, il s'efforça de ne plus écouter et de s'absorber dans les pensées intimes qu'il envahissait pendant ses longues stations à l'église. La messe, les vêpres et les prières du soir se passèrent ainsi. Le lendemain matin, il se leva de meilleure heure et vint à jeun vers 8 heures pour les prières du matin et la confession. L'église était déserte, il n'y avait qu'un soldat qui mendiait, 2 vieilles femmes et des desservants. Un jeune diacre vint à sa rencontre. Son dos long et maigre se dessinait en 2 moitiés bien nettes sous sa mince soutanelle. Il s'approcha d'une petite table au pied du mur et commença la lecture des prières. Lévine, l'écoutant répéter à la hâte d'une voix monotone et en les abrégeant les mots « Seigneur, ayez pitié de nous » comme un refrain, resta debout, derrière lui, cherchant à se défendre d'écouter et de juger pour ne pas interrompre ses propres pensées. « Quelle expression elle a dans les mains » pensa-t-il. Se rappelant la soirée de la veille, passée avec Kitty dans un coin du salon près d'une table. Leur conversation n'avait rien eu de palpitant. Elle s'amusait à ouvrir et à refermer sa main en l'appuyant sur la table, tout en riant de cet enfantillage. Il se rappela avoir baisé cette main et en avoir examiné les lignes. « Encore, ayez pitié de nous !» pensa Lévine, faisant des signes de croix et saluant jusqu'à terre, tout en remarquant les mouvements souples du diacre qui se prosternait devant lui. Ensuite, elle a pris ma main et à son tour l'a examinée. « Tu as une fameuse main, m'a-t-elle dit. » Il regarda sa main, puis celle du diacre aux doigts écourtés. Oh, maintenant, ce sera bientôt fini. Non. Oh, voilà la prière qui recommence. Ah, si, il se prosterne jusqu'à terre. Ah, c'est la fin. Le diacre reçut un billet de 3 roubles, discrètement glissé dans sa manche, et s'éloigna rapidement en faisant résonner ses bottes neuves sur les dalles de l'église déserte. Il disparut derrière l'autel après avoir promis à Lévine de l'inscrire pour la confession. Au bout d'un instant, il reparut et lui fit signe. Lévine s'avança vers le jubé, il monta quelques marches, tourna à droite et aperçut le prêtre, un petit vieillard à barbe presque blanche, au bon regard un peu fatigué, debout près du lutrin, feuilletant un missel. Après un léger salut à Lévine, il commença la lecture des prières, puis s'inclina jusqu'à terre en finissant. « Le Christ assiste, invisible, à votre confession, » dit-il, se retournant vers Lévine et désignant le crucifix. « Croyez-vous à tout ce que nous enseigne la Sainte Église apostolique ? » continua-t-il en croisant ses mains sous l'étole. J'ai douté et je doute encore de tout, dit Lévine d'une voix qui résonna désagréablement à son oreille, et il se tut. Le prêtre attendit quelques secondes, puis fermant les yeux et parlant très vite, douter est le propre de la faiblesse humaine. Nous devons prier le Seigneur Tout-Puissant de nous fortifier. Quels sont vos principaux péchés ? Le prêtre parlait sans la moindre interruption et comme s'il eût craint de perdre du temps. Mon péché principal est le doute qui ne me quitte pas. Je doute de tout et presque toujours. Douter est le propre de la faiblesse humaine, répéta le prêtre, employant les mêmes mots. De quoi doutez-vous principalement ? De tout. Je doute parfois même de l'existence de Dieu, dit Lévin, presque malgré lui, effrayé de l'inconvenance de ses paroles. Mais elles ne semblèrent pas produire sur le prêtre l'impression qu'il redoutait. Mais quel doute pouvez-vous donc avoir de l'existence de Dieu ? Demanda-t-il avec un sourire presque imperceptible. Lévin se tut. Mais quel doute pouvez-vous avoir sur le Créateur quand vous contemplez ses œuvres ? Qui a décoré la voûte céleste de ses étoiles, orné la terre de toutes ses beautés ? Mais comment ces choses existeraient-elles sans le Créateur ? Et il jeta à Lévin un regard d'interrogateur. Lévin sentit l'impossibilité d'une discussion philosophique avec un prêtre et répondit à sa dernière question. « Je ne sais pas. »« Vous ne savez pas ? Mais alors pourquoi doutez-vous que Dieu ait tout créé ?»« Je n'y comprends rien, » répondit Lévin rougissant et sentant l'absurdité de réponse qui, dans le cas présent, ne pouvait être qu'absurde. Priez Dieu, ayez recours à lui. Les pères de l'Église eux-mêmes ont douté et demandé à Dieu de fortifier leur foi. Le démon est puissant et nous devons lui résister. Priez Dieu, répéta le prêtre très vite. Puis il garda un moment de silence comme s'il eût réfléchi. Vous avez, m'a-t-on dit, l'intention de contracter mariage avec la fille de mon paroissien et fils spirituel, le prince Chelbalski, ajouta-t-il avec un sourire. Oh, c'est une jeune fille accomplie. Oui, répondit Lévin, rougissant pour le prêtre. Mais quel besoin a-t-il de faire de semblables questions en confession ? Se demanda-t-il. Le prêtre continua. Vous songez au mariage et peut-être Dieu vous accordera-t-il une postérité. Quelle éducation donnerez-vous à vos petits-enfants si vous ne parvenez pas à vaincre les tentations du démon qui vous suggère le doute ? Si vous aimez vos enfants, vous leur souhaiterez non seulement la richesse, l'abondance et les honneurs, mais encore un bon père, le salut de leur âme. Et les lumières de la vérité, n'est-il pas vrai ? Que répondrez-vous donc à l'enfant innocent qui vous demandera « Père, qui a créé tout ce qui m'enchante sur la terre, l'eau, le ciel, les fleurs, les plantes ?» Lui répondrez-vous « Je n'en sais rien ?» Pouvez-vous ignorer ce que Dieu, dans sa bonté infinie, vous dévoile ? Et si l'enfant vous demande « Qu'est-ce qui m'attend au-delà de la tombe ? Que lui direz-vous si vous ne savez rien ? Et comment lui répondrez-vous ? L'abandonnerez-vous aux tentations du monde, au diable ? Cela n'est pas bien, dit-il, en s'arrêtant et baissant la tête de côté pour regarder Lévin de ses bons yeux doux et modestes. Lévin se tut, non qu'il craignît cette fois une discussion malséante, mais parce que personne ne lui avait encore posé de pareilles questions et que jusqu'à ce que ses enfants fussent en état de les lui faire, il pensait avoir suffisamment le temps d'y réfléchir. « Vous abordez une phase de la vie, continua le prêtre, où il faut choisir sa route et s'y tenir. Priez Dieu qu'il vous aide et vous soutienne dans sa miséricorde. » Et pour conclure, Notre Seigneur Dieu, Jésus-Christ, te pardonnera, mon Fils, dans sa bonté et sa générosité pour notre humanité. Et le prêtre, terminant les formules de l'absolution, le congédia, après lui avoir donné sa bénédiction. Lévin rentra heureux ce jour-là à l'idée de se voir délivré d'une situation fausse sans avoir été obligé de mentir. Il emporta d'ailleurs du petit discours de ce bon vieillard l'impression vague qu'au lieu d'absurdité, il avait entendu des choses valant la peine d'être approfondies. Pas maintenant, naturellement, pensa-t-il, mais plus tard. Lévin sentait vivement en ce moment qu'il avait dans l'âme des régions troubles et obscures. En ce qui concernait la religion, surtout, il était exactement dans le cas de Svrljajski et de quelques autres dont les incohérences d'opinion le frappaient désagréablement. La soirée que Lévin passa auprès de sa fiancée chez Dolly fut très gaie. Il se compara en causant avec Stepan Arkadievitch un chien qu'on dresserait à sauter au travers d'un cerceau et qui, heureux d'avoir enfin compris sa leçon, voudrait dans sa joie sauter sur la table et la fenêtre en agitant la queue. La princesse et Dolly observaient strictement les usages établis. Aussi ne permirent-elles pas à Lévin de voir sa fiancée le jour du mariage. Il dîna sur l'hôtel avec trois célibataires réunis chez lui par le hasard. C'était Katavasov, un ancien camarade de l'université, maintenant professeur de sciences naturelles, que Lévin avait rencontré et emmené dîner, Chirikov, son garçon d'honneur, juge de paix à Moscou, un compagnon de chasse à l'ours, et enfin Serge Ivanitch. Le dîner fut très animé. Serge Ivanitch était de belle humeur et l'originalité de Katavasov l'amusa beaucoup. Celui-ci, se voyant goûter, fit des frais et Chirikov soutint gaiement la conversation. « Ainsi, voilà notre ami Constantin Dimitritch, » disait Katavasov avec son parler lent de professeur habitué à s'écouter. « Quel garçon de moyen, jadis, je parle de lui au passé, car il n'existe plus. Il aimait la science en quittant l'université, il prenait intérêt à l'humanité. Maintenant, il emploie une moitié de ses facultés à se faire illusion et l'autre a donné à ses chimères une apparence de raison. Jamais je n'ai rencontré d'ennemis du mariage plus convaincu que vous, dit Serge Ivanitch. Non pas, je suis simplement partisan de la division du travail. Ceux qui ne sont propres à rien sont bons pour propager l'espèce. Les autres doivent contribuer au développement intellectuel, au bonheur de leurs semblables. Voilà mon opinion. Je sais qu'il y a une foule de gens disposés à confondre ces deux branches de travail, mais je ne suis pas du nombre. Que je serais donc heureux d'apprendre que vous êtes amoureux, s'écria Lévin. Je vous en prie, invitez-moi à votre noce. Mais je suis déjà amoureux. Oui, des mollusques. Tu sais, dit Lévin en se tournant vers son frère, Michel Séminitch écrit un ouvrage sur la nutrition et... Oh, je vous en prie, ne vous brouillez pas les choses. Peu importe ce que j'écris, mais il est de fait que j'aime les mollusques. Mais cela ne vous empêcherait pas d'aimer une femme. Non, mais c'est ma femme qui s'opposerait à mon amour pour les mollusques. Pourquoi cela? Vous le verrez bien. Vous aimez en ce moment la chasse, l'agronomie. Eh bien, attendez. J'ai rencontré Archip aujourd'hui, dit Chirikov. Il prétend qu'on trouve à plus de 9 des quantités d'élan, même des ours. Oh, vous les chasserez sans moi. Tu vois bien, dit Serge Ivanitch, quant à la chasse à l'ours, tu peux bien lui dire adieu. Ta femme ne te la permettra plus. Lévin sourit. L'idée que sa femme lui défendrait la chasse lui parut si charmante qu'il aurait volontiers renoncé à jamais au plaisir de rencontrer un ours. L'usage de prendre congé de sa vie de garçon n'est pas vide de sens, dit Serge Ivanitch. Quelque heureux qu'on se sente, on regrette toujours sa liberté. Avouez que, semblable au fiancé de Gogol, on éprouve l'envie de sauter par la fenêtre. « Certainement, mais il l'avouera pas, » dit Katavasov avec un gros rire. La fenêtre est ouverte, partons pot de verre, on peut trouver l'ours dans sa tanière. Vrai, nous pouvons encore prendre le train de 5 heures, dit en souriant Tchilikov. Eh bien, la main sur la conscience, répondit Lévin, souriant aussi. Je ne puis découvrir dans mon âme la moindre trace de regret de ma liberté perdue. Votre âme est un tel chaos que vous n'y reconnaissez rien pour le quart d'heure, dit Katavassov. Attendez qu'il y fasse plus clair. Vous verrez alors. Vous êtes un sujet qui laisse peu d'espoir. Allez, buvons donc à sa guérison. Après le dîner, les convives, devant changer d'habit avant la noce, se séparèrent. Resté seul, Lévin se demanda s'il regrettait réellement la liberté dont ses amis venaient de parler, et cette idée le fit sourire. La liberté, pourquoi la liberté? Le bonheur pour moi consiste à aimer, à vivre de ses pensées, de ses désirs à elle, sans aucune liberté. Voilà le bonheur. Mais puis-je connaître ses pensées, ses désirs, ses sentiments? Le sourire disparut de ses lèvres. Il tomba dans une profonde rêverie et se sentit tout à coup frappé de crainte et de doute. Et si elle ne m'aimait pas? Si elle m'épousait uniquement pour se marier? Si elle faisait cela sans même en avoir conscience? Peut-être reconnaîtra-t-elle son erreur et comprendra-t-elle, après m'avoir épousé, qu'elle ne m'aime pas et ne peut pas m'aimer? Et les pensées les plus blessantes pour Kitty lui vinrent à la pensée. Il se reprit, comme un an auparavant, à éprouver une violente jalousie contre Vronsky. Il se reporta, comme un souvenir de la veille, à cette soirée où il les avait vus ensemble et la soupçonna de ne pas lui avoir tout avoué. Non, pensa-t-il avec désespoir en sautant de sa chaise, oh, je puis en rester là. Je vais aller la trouver, je lui parlerai et lui dirai encore pour la dernière fois nous sommes libres. Ne vaut-il pas mieux nous arrêter? Tout est préférable au malheur de la vie entière, à la honte, à l'infidélité. Et hors de lui, plein de haine contre l'humanité, contre lui-même, contre Kitty, il courut chez elle. Il la trouva assise sur un grand coffre, occupée à revoir avec sa femme de chambre des robes de toutes les couleurs, étalées par terre et sur les dossiers des chaises. « Comment ? » s'écria-t-elle rayonnante de joie à sa vue. « C'est toi, c'est vous ? » Jusqu'à ce dernier jour, elle lui disait « tantôt toi, tantôt vous ». Oh, je ne m'y attendais pas, je suis en train de faire le partage de mes robes de jeune fille. « Ah, c'est très bien, » répondit-il en regardant la femme de chambre d'un air sombre. « Va-t'en, Donicha, je t'appellerai, » dit Kitty. Et aussitôt que celle-ci fut sortie, « Qu'y a-t-il ? » Elle était frappée du bouleversement de son fiancé et se sentait prise de terreur. « Kitty, je suis à la torture, » lui dit-il avec désespoir, s'arrêtant devant elle pour lire dans ses yeux d'un air suppliant. Ses beaux yeux aimants et limpides lui montrèrent aussitôt combien ses craintes étaient chimériques, mais il éprouvait le besoin impérieux d'être rassuré. Je suis venu te dire qu'il n'est pas encore trop tard, que tout peut encore être réparé. Quoi, je ne comprends pas, qu'as-tu? Ce que j'ai 100 fois dit et pensé, je ne suis pas digne de toi. Tu n'as pu consentir à m'épouser. Pense-y, tu te trompes peut-être. Pense-y bien, tu ne peux pas m'aimer. Si, oh, vaut mieux l'avouer, continua-t-il sans la regarder. Oh, je serai malheureux, n'importe, mais qu'on dise ce qu'on en voudra, tout vaut mieux que le malheur. Maintenant, tandis qu'il en est encore temps. Je ne comprends pas, répondit-elle en le regardant effrayé. Que veux-tu te dédire, rompre? Oui, si tu ne m'aimes pas. Mais tu deviens fou. s'écria-t-elle, rouge de contrariété. Mais la vue du visage désolé de Lévin arrêta sa colère, et repoussant les robes qui couvraient les chaises, elle se rapprocha de lui. « À quoi penses-tu? Dis-moi tout. » « Je pense que tu ne saurais m'aimer. Pourquoi m'aimerais-tu ?»« Mon Dieu, mais qui puis-je » dit-elle, et elle fondit en larmes. « Oh, qu'ai-je fait ?» s'écria-t-il aussitôt, et se jetant à ses genoux, il couvrit ses mains de baisers. Quand la princesse, au bout de 5 minutes, entra dans la chambre, elle les trouva complètement réconciliés. Kitty avait convaincu son fiancé de son amour. Elle lui avait expliqué qu'elle l'aimait, parce qu'elle le comprenait à fond, parce qu'elle savait qu'il devait aimer et que tout ce qu'il aimait était bon et bien. Lévin trouva l'explication parfaitement claire. Quand la princesse entra, ils étaient assis côte à côte sur le grand coffre, examinant les robes et discutant sur leur destination. Kitty voulait donner à Duntasha la robe brune qu'elle portait le jour où Lévin l'avait demandée en mariage. Et celui-ci insistait pour qu'elle ne fût donnée à personne et que Duntasha reçût la bleue. Mais comment, ne comprends-tu pas qu'étant brune, le bleu ne lui sied pas? J'ai pensé à tout cela. En apprenant pourquoi Lévin était venu, la princesse se fâcha tout en riant et leur envoya s'habiller, car Charles allait venir coiffer Kitty. « Elle est assez agitée comme cela, dit-elle, elle ne mange rien ces jours-ci. Aussi en laidit-elle à vue d'œil, et tu viens encore la troubler de tes folies. Allons, sauve-toi, mon garçon. » Lévin rentra à l'hôtel, honteux et confus, mais rassuré. Son frère, Daria Alexandrovna Estiva, en grande toilette, l'attendait déjà pour le bénir avec les images saintes. Il n'y avait pas de temps à perdre. Dolly devait rentrer chez elle, y prendre son fils pommadé et frisé pour la circonstance, et l'enfant était chargé de porter l'icône devant la mariée. Ensuite, il fallait envoyer une voiture au garçon d'honneur, tandis que l'autre, qui devait conduire Serge Ivanitch, retournerait à l'hôtel. Les combinaisons les plus compliquées abondaient ce jour-là. Il fallait se hâter, car il était déjà 6h30. La cérémonie de la bénédiction manqua de sérieux. Stepan Arkadievitch prit une pose solennelle et comique à côté de sa femme, souleva l'icône et obligea Lévin à se prosterner pendant qu'il le bénissait avec un sourire affectueux et malin. Il finit par l'embrasser 3 fois, ce que fit aussi en toute hâte Daria Alexandrovna, pressée de partir et absolument embrouillée dans ses arrangements de voiture. « Voilà ce que nous ferons, tu vas aller le chercher dans notre voiture et peut-être Serge Ivanitch aura-t-il la bonté de venir tout de suite et de renvoyer la sienne ?» Parfaitement, avec grand plaisir. Nous viendrons ensemble. Les bagages sont-ils expédiés ? Demanda Stepan Arkadievitch. Oui, répondit Lévin, et il appela son domestique pour l'habiller. L'église, brillamment illuminée, était encombrée de monde, surtout de femmes. Celles qui n'avaient pu pénétrer à l'intérieur se bousculaient aux fenêtres et se coudoyaient en se disputant les meilleures places. Plus de 20 voitures se rangèrent à la file dans la rue, sous l'inspection de gendarmes. Un officier de police, indifférent au froid, se tenait en uniforme sous le péristyle où, les uns après les autres, des équipages déposaient tantôt des femmes en grande toilette relevant les traînes de leurs robes, tantôt des hommes se découvrant pour pénétrer dans le saint lieu. Les lustres et les cierges allumés devant les visimages inondaient de lumière les dorures de l'iconostase sur fond rouge, les ciselures des images, les grands chandeliers d'argent, les encensoirs, les bannières du chœur, les degrés du jubé, les vieux missels noircis et les vêtements sacerdotaux. Dans la foule élégante qui se tenait à droite de l'église, on causait à mi-voix, avec animation, et le murmure de ses conversations résonnait étrangement sous la voûte élevée. Chaque fois que la porte s'ouvrait avec un bruit plaintif, le murmure s'arrêtait et l'on se retournait dans l'espoir de voir enfin paraître les mariés. Mais la porte s'était déjà ouverte plus de 10 fois pour livrer passage soit à un retardataire qui allait se joindre au groupe de droite, soit qu'à quelques spectatrices assez habiles pour tromper ou attendrir l'officier de police. Amis et simple public avaient passé par toutes les phases de l'attente. On n'avait d'abord attaché aucune importance au retard des mariés. Puis on s'était retourné de plus en plus souvent, se demandant ce qui pouvait être survenu. Enfin, parents et invités prirent l'air indifférent de gens absorbés par leur conversation, comme pour dissimuler le malaise qui les gagnait. L'archidiacre, afin de prouver qu'il perdait un temps précieux, faisait de temps en temps trembler les vitres en toussant avec impatience. Les chantres ennuyés essayaient leur voix dans le chœur. Le prêtre envoyait sacristain et diacre s'informer de l'arrivée du cortège et apparaissait lui-même à une des portes latérales en soutane lilas avec une ceinture brodée. Enfin, une dame, ayant consulté sa montre, dit à sa voisine « Mais cela devient étrange !» Et aussitôt, tous les invités exprimèrent leur étonnement et leur mécontentement. Un des garçons d'honneur alla aux nouvelles. Pendant ce temps, Kitty, en robe blanche, long voile et couronne de fleurs d'oranger, attendait vainement au salon, en compagnie de sa sœur Lvoff et de sa mère, que le garçon d'honneur vint l'avertir de l'arrivée de son fiancé. De son côté, Lévin, en pantalon noir, mais sans gilet ni habit, se promenait de long en large dans sa chambre d'hôtel, ouvrant la porte à chaque instant pour regarder dans le corridor, puis rentrait désespéré et s'adressait avec des gestes désolés à Stepan Arkadievitch qui fumait tranquillement. « Mais a-t-on jamais vu homme dans une situation plus absurde ?»« C'est vrai, » confirmait Stepan Arkadievitch avec son sourire calme. « Mais sois tranquille, on la portera tout de suite. »« Oui, Ida, » disait Lévin, contenant sa rage à grand-peine. Et dire qu'on n'y peut rien avec ces misérables gilets ouverts. Impossible, ajoutait-il en regardant le plastron de sa chemise tout froissé. Et si mes malles sont déjà au chemin de fer, criait-il hors de lui. Tu mettras la mienne. J'aurais dû commencer par là. Attends, cela s'arrangera. Lorsque, sur l'ordre de Lévin, il avait emballé et fait porter chez les Chervatsi, d'où il devait être expédié au chemin de fer, tous les effets de son maître, le vieux domestique Kousma n'avait pas pensé à mettre de côté une chemise fraîche. Celle que Lénine portait depuis le matin n'était pas mettable. Envoyer chez le Tcherbatsky était trop long. Pas de magasin ouvert, c'était dimanche. On fit prendre une chemise chez Stepan Arkadievitch. Elle parut ridiculement large et courte. En désespoir de cause, il fallut envoyer ouvrir les malles chez les Cherbatsky. Ainsi, tandis qu'on attendait à l'église, le malheureux marié se débattait dans sa chambre comme un animal féroce en cage. Enfin, le coupable Kousma se précipita hors d'haleine dans la chambre, une chemise à la main. « Oh, je suis arrivé juste à temps, on emportait les malles !» s'écria-t-il. 3 minutes après, Lévin courait à toutes jambes dans le corridor sans regarder sa montre pour ne pas augmenter ses tourments. « Tu n'y changeras rien, » lui disait Stepan Arkadievitch, qui suivait à loisir en souriant. « Quand je te dis que tout s'arrangera. » « Oh, ce sont eux, le voilà, lequel? Est-ce le plus jeune? Et elle voit donc, oh, on la dirait à demi-morte !» murmurait-on dans la foule lorsque Lévin entra avec sa fiancée. Stepan Arkadievitch raconta à sa femme la cause du retard et en chuchota en souriant parmi les invités. Quant à Lévin, il ne remarquait rien ni personne et ne quittait pas sa fiancée les yeux. Kitty était beaucoup moins jolie que d'habitude sous sa couronne de mariée et on la trouvait généralement laidie. Mais telle n'était pas la vie de Lévin. Il regardait sa coiffure élevée, son voile blanc, ses fleurs, la garniture de sa robe encadrant virginalement son cou long et mince et le découvrant un peu par devant, sa taille remarquablement fine, et elle lui parut plus belle que jamais. Ce n'était pas cependant sa robe de Paris qui le charmait, ni l'ensemble d'une parure qui n'ajoutait rien à sa beauté. C'était l'expression de ce charmant visage, son regard, ses lèvres avec leur innocente expression de sincérité, gardée en dépit de tout cet apparat. « Ah, j'ai pensé que tu t'étais enfui, » lui dit-elle en souriant. « Oh, ce qui m'est arrivé est si bête que je suis honteux d'en parler, » répondit-il rougissant et se tournant vers Serge Ivanitch. « Elle est bonne, ton histoire de chemise, » dit celui-ci hochant la tête avec un sourire. « Oui, oui, » répondit Lévin sans comprendre un mot de ce qu'on lui disait. « Kostia, voici le moment de prendre une décision suprême, » va lui dire Stéphane Arkadievitch, feignant un grand embarras. « Ah, la question est grave et tu vas en apprécier toute l'importance. On me demande si les cierges doivent être neufs ou entamés. « Oh, la différence est de 10 roubles, » ajouta-t-il, se préparant à sourire. « J'ai pris une décision, mais je ne sais si tu l'approuveras. » Lévin comprit qu'il s'agissait d'une plaisanterie, mais ne parvint pas à sourire. « Mais que décides-tu, neuf ou entamé? Voilà la question. »« Oui, oui, neuf. »« Parfaitement, la question est tranchée, » dit Stepan Arkadievitch, souriant. « Que l'homme ait donc peu de choses dans ces sortes de situations, » murmura-t-il à Tchérikov, tandis que Lévin s'approchait de sa fiancée après lui avoir jeté un regard éperdu. « Attention, Kitty, pose la première, le pied sur le tapis, » lui dit la comtesse Nordston en s'approchant. « Vous en faites de belles, » s'ajouta-t-elle, s'adressant à Lévin. « Tu n'as pas peur ?» demanda Maria Dmitrievna, une vieille tante. « N'as-tu pas un peu froid? Tu es pâle. Baisse-toi un moment, » dit Madame Lvov, levant ses beaux gras pour réparer un petit désordre survenu à la coiffure de sa sœur. Dolly s'approcha à son tour et voulut parler, mais l'émotion lui coupa la parole, et elle se mit à rire nerveusement. Kitty regardait ceux qui l'entouraient d'un air aussi absent que Lévin. Pendant ce temps, les desservants avaient revêtu leurs habits sacerdotaux, et le prêtre, accompagné du diacre, vint se placer devant le pupitre posé à l'entrée des portes saintes. Il adressa à Lévin quelques mots que celui-ci ne comprit pas. « Prenez la main de votre fiancée et approchez, » lui souffla le garçon d'honneur. Incapable de saisir ce qu'on réclamait de lui, Lévin faisait le contraire de ce qu'on lui disait. Enfin, au moment où, découragés les uns et les autres, voulaient l'abandonner à sa propre inspiration, il comprit que, de sa main droite, il devait prendre, sans changer de position, la main droite de sa fiancée. Le prêtre fit alors quelques pas et s'arrêta devant le pupitre. Les parents et les invités suivirent le jeune couple. Il se produisit un murmure de voix et un froufrou de robe. Quelqu'un se baissa pour arranger la traîne de la mariée, puis un silence si profond régna dans l'église qu'on entendait les gouttes de cire tomber des cierges. Le vieux prêtre en calotte, ses cheveux blancs, brillants comme de l'argent, retenu derrière les oreilles, retira ses petites mains ridées de dessous sa lourde chasuble d'argent ornée d'une croix d'or et s'approcha du pupitre où il feuilleta le missel. Stepan Arkadievitch vint doucement lui parler à l'oreille, fit un signe à Lévin et se retira. Le prêtre, alluma deux cierges ornés de fleurs, et tout en les tenant de la main gauche, sans s'inquiéter de la cire qui en dégoûtait, il se tourna vers le jeune couple. C'était ce même vieillard qui avait confessé Lévine. Après avoir regardé en soupirant les mariés de ses yeux tristes et fatigués, il bénit de la main droite le fiancé, puis, avec une nuance particulière de douceur, posa ses doigts sur la tête baissée de Kitty, leur remit les cierges, s'éloigna lentement et prit l'encensoir. « Tout cela est-il bien réel ?» pensait Lévine, jetant un coup d'œil à sa fiancée, qu'il voyait de profil, et remarquant au mouvement de ses lèvres et de ses cils qu'elle sentait son regard. Elle ne leva pas la tête, mais il comprit, à l'agitation de sa ruche remontant jusqu'à sa petite oreille rose, qu'elle étouffait un soupir, et vit sa main emprisonnée dans un long gant tremblé en tenant le cierge. Tout s'effaça aussitôt de son souvenir, son regard, le mécontentement de ses amis, sa sotte histoire de chemise. Il ne sentit plus qu'une émotion mêlée de terreur et de joie. L'archidiacre, en dalmatique de drap d'argent, un bel homme, aux cheveux frisés des deux côtés de la tête, s'avança, leva l'étole de ses deux doigts avec un geste familier et s'arrêta devant le prêtre. « Bénissez-nous, Seigneur !» entonna-t-il lentement, et les paroles résonnèrent solennellement dans l'air. « Que le Seigneur vous bénisse maintenant et dans tous les siècles des siècles !» répondit d'une voix douce et musicale le vieux prêtre continuant à feuilleter. Et le répond, chanté par le cœur invisible, emplit l'église d'un son large et plein qui grandit pour s'arrêter une seconde et mourir doucement. On pria, comme d'habitude, pour le repos éternel et le salut des âmes, pour le synode et l'empereur, puis aussi pour les serviteurs de Dieu, Constantin et Catherine. Prions le Seigneur de leur envoyer son amour, sa paix et son secours, sembla demander toute l'Église par la voix de l'archidiacre. Lévine écoutait ces paroles et en était frappé. Mais comment ont-ils compris que ce dont j'avais précisément besoin était de secours? Oui, de secours. Que sais-je, que puis-je sans secours? Pensa-t-il, se rappelant ses doutes et ses récentes terreurs. Quand le diacre eut terminé, le prêtre se tourna vers les mariés, un livre à la main. Dieu éternel, qui réunit par un lien indissoluble ce qui était séparé, bénis ton serviteur Constantin et ta servante Catherine, et répands tes bienfaits sur eux. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, à présent et toujours, comme tous les siècles des siècles. Amen, chanta encore le cœur invisible, qui réunit par un lien indissoluble ce qui était séparé. Combien ces paroles profondes répondent à ce que l'on éprouve en ce moment. Mais le comprend-elle comme moi, pensa Lévine. À l'expression du regard de Kitty, il conclut qu'elle comprenait comme lui. Mais il se trompait. Absorbée par le sentiment qui envahissait et remplissait de plus en plus son cœur, elle avait à peine suivi le service religieux. Elle éprouvait la joie profonde de voir enfin s'accomplir ce qui, pendant 6 semaines, l'avait tout à tour rendue heureuse et inquiète. Depuis le moment où, vêtue de sa petite robe brune, elle s'était approchée de Lévine pour se donner silencieusement tout entière, le passé, elle le sentait, avait été arraché de son âme et avait fait place à une existence autre, nouvelle, inconnue, sans que sa vie extérieure fût cependant changée. Ces 6 semaines avaient été une époque bien heureuse et tourmentée. Espérance et désir, tout se concentrait sur cet homme qu'elle ne comprenait pas bien, vers lequel poussait un sentiment qu'elle comprenait moins encore et qui, l'attirant et l'éloignant alternativement, lui inspirait pour son passé à elle une indifférence complète et absolue. Ses habitudes d'autrefois, les choses qu'elle avait aimées, et jusqu'à ses parents, que son insensibilité affligeait, rien ne lui était plus. Et tout en s'effrayant de ce détachement, elle se réjouissait du sentiment qui en était cause. Mais cette vie nouvelle, qui n'avait pas encore commencé, s'en faisait-elle une idée précise ? Aucunement. C'était une attente douce et terrible du nouveau, de l'inconnu, et cette attente, ainsi que le remords de ne rien regretter du passé, allait avoir une fin. Et elle avait peur. C'était naturel. Mais le moment présent n'était cependant que la sanctification de l'heure décisive qui remontait à 6 semaines. Le prêtre, en se retournant vers le pupitre, saisit avec difficulté le petit anneau de Kitty pour le passer à la première jointure du doigt de Lévine. « Je t'unis, Constantin, serviteur de Dieu, à Catherine, servante de Dieu. » Et il répéta la même formule en passant un grand anneau au petit doigt délicat de Kitty. Les mariés cherchaient à comprendre ce que l'on voulait d'eux, mais se trompaient chaque fois, et le prêtre les corrigeait à voix basse. On souriait, on chuchotait autour d'eux, tandis qu'ils restaient sérieux et graves. Ô Dieu, qui dès le commencement du monde a créé l'homme, continua le prêtre, et lui a donné la femme pour être son aide inséparable, bénis ton serviteur Constantin et ta servante Catherine, unis les esprits de ses époux, et verse dans leur cœur la foi, la concorde et l'amour. Lévine sentait sa poitrine se gonfler, des larmes involontaires monter à ses yeux, et toutes ses pensées sur le mariage, sur l'avenir, se réduire à néant. Ce qui s'accomplissait pour lui avait une portée incomprise jusqu'ici, et qu'il comprenait moins que jamais. Tout Moscou assistait au mariage. Dans cette foule de femmes parées d'hommes, en cravate blanche ou en uniforme, on chuchotait discrètement, les hommes surtout, car les femmes étaient absorbées par leurs observations sur les 1000 détails, pleins d'intérêt pour elles, de cette cérémonie. Un petit groupe d'intimes entourait la mariée, et dans le nombre se trouvaient ses deux sœurs, Dolly et la belle Madame Lvov, arrivée de l'étranger. Mais pourquoi Marie est-elle en lilas à un mariage ? C'est presque du deuil, disait Madame Korsunski. Oh, avec son talent et son teint, c'est saillant, répondit la Dubretsky. Mais pourquoi ont-ils choisi le soir pour la cérémonie ? Cela sent le marchand. Non, c'est plus joli. Moi aussi, je me suis mariée le soir, dit la Korsunski, soupirant, et se rappelant combien elle était belle ce jour-là, et combien son mari était ridiculement amoureux. Oh, tout cela a bien changé. On prétend que ceux qui ont été garçons d'honneur plus de 10 fois dans leur vie ne se marient pas. J'ai voulu m'assurer de cette façon, contre le mariage, mais la place était prise, dit le comte Seniavine à la jeune princesse Tcharsky, qui avait des vues sur lui. Celle-ci ne répondit que par un sourire. Elle regardait Kitty et pensait à ce qu'elle ferait quand, à son tour, elle serait avec Seniavine dans cette situation. Combien elle lui reprocherait alors ses plaisanteries ? Cherbatsky confiait à une vieille demoiselle d'honneur de l'impératrice son intention de poser la couronne sur le chignon de Kitty pour lui porter bonheur. « Pourquoi ce chignon ? » répondit-elle, bien décidée si le monsieur veuf qu'elle voulait épouser se soumettait au mariage, à se marier très simplement. « Je n'aime pas ce faste. » Serge Ivanitch plaisantait avec sa voisine et prétendait que si l'usage de voyager après le mariage était répandu, cela tenait à ce que les mariés semblaient généralement honteux de leur choix. « Ah, votre frère peut être fier, lui, elle est ravissante. Vous devez lui porter envie. » Bon, j'ai passé ce temps-là, Daria Dmitrievna, répondit-il, et son visage exprima une tristesse soudaine. Stepan Arkadievitch racontait à sa belle-sœur son calembour sur le divorce. « Oh, il faudrait arranger sa couronne, » répondit celle-ci sans écouter. « Quel dommage qu'elle soit en lady, » disait la comtesse Nordston à Madame Lvov. « Malgré tout, il ne vaut pas son petit doigt, n'est-ce pas ?»« Oh, je ne suis pas de votre avis, il me plaît beaucoup. » Et non pas seulement en qualité de beau-frère, répondit Madame Lvov. Comme il a bonne tenue. C'est si difficile en pareil cas de ne pas être ridicule. Lui n'est ni ridicule ni raide, on sent qu'il est touché. Vous vous attendiez à ce mariage? Presque, il l'a toujours aimé. Eh bien, nous allons voir qui des deux mettra le premier le pied sur le tapis. J'ai conseillé à Kitty de commencer. C'était inutile, répondit Madame Lvov. Dans notre famille, nous sommes toutes soumises à nos maris. Moi, j'ai fait exprès de prendre le pas sur le mien. Et vous, Dolly ? Dolly les entendait sans répondre. Elle était émue, des larmes remplissaient ses yeux, et elle n'aurait pu prononcer une parole sans pleurer. Heureuse pour Kitty et pour Lévin, elle faisait des retours sur son propre mariage. Et jetant un regard sur le brillant Stepan Arkadievitch, elle oubliait la réalité et ne se souvenait plus que de son premier et innocent amour. Elle pensait aussi à d'autres femmes, ses amies, qu'elle se rappelait à cette heure unique et solennelle de leur vie, où elles avaient renoncé avec joie au passé et abordé un mystérieux avenir, l'espoir et la crainte dans le cœur. Au nombre de ses mariés, elle revoyait sa chère Anna, dont elle venait d'apprendre les projets de divorce. Elle l'avait vue aussi, couverte d'un voile blanc, pure comme Kitty, sous sa couronne de fleurs d'oranger. « Et maintenant, oh, c'est affreux !» murmura-t-elle. Les sœurs et les amis n'étaient pas seules à suivre avec intérêt les moindres incidents de la cérémonie. Des spectatrices étrangères étaient là, retenant leur haleine, dans la crainte de perdre un seul mouvement des mariés, et répondant avec ennui aux plaisanteries ou aux propos oiseux des hommes, souvent même ne les entendant pas. Pourquoi est-elle si émue? La marie-t-on contre son gré? Contre son gré, ah, si bel homme! Est-il prince? Ah, celle en satin blanc, c'est la sœur. Oh, écoute le diacre hurler, qu'elle craigne son mari. Les chantres sont-ils de Tchoudov? Non, du synode. J'ai interrogé le domestique, il dit que son mari l'emmène dans ses terres. Il est riche à faire peur, dit-on. C'est pour cela qu'on l'a marié. Ah, ça fait un joli couple. Et vous, qui prétendiez, Marie Vassilievna, qu'on ne portait plus de crinoline, voyez donc celle-là? En robe puce, une ambassadrice, dit-on comme elle, est arrangée. Oh, vous voyez bien. Quel petit agneau sans tache que la mariée. Oh, on dira ce qu'on voudra, on se sent ému. Ainsi parlaient les spectatrices, assez à droite, pour avoir dépassé la porte. À ce moment, un des officiants vint étendre au milieu de l'église un grand morceau d'étoffe rose, pendant que le chœur entonnait un psaume d'une exécution difficile et compliquée, où la basse et le ténor se répondaient. Le prêtre fit un signe aux mariés en leur indiquant le tapis. Ils connaissaient tous deux le préjugé qui veut que celui des époux dont le pied se pose le premier sur le tapis devienne le vrai chef de la famille, mais ni Lévin ni Kitty ne se le rappelèrent. Les remarques échangées autour d'eux leur échappèrent également. Un nouvel office commença. Kitty écouta les prières et chercha sans y parvenir à les comprendre. Plus la cérémonie avançait, plus son cœur débordait d'une joie triomphante qui empêchait son attention de se fixer. On pria Dieu pour que les époux eussent le don de sagesse et une nombreuse postérité. On rappela que la première femme avait été tirée de la côte d'Adam, que la femme devait quitter son père et sa mère pour ne faire qu'un avec son époux. On pria Dieu de les bénir comme Isaac et Rebecca, Moïse et Séphora, et de leur faire voir leurs enfants jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Quand le prêtre présenta les couronnes et que Chervatsky, avec ses gants à trois boutons, soutint en tremblotant celle de la mariée, on lui conseilla de toutes parts, à mi-voix, de la poser complètement sur la tête de Kitty. « Mettez-la-moi, » murmura celle-ci en souriant. Lévin se tourna de son côté, frappé du rayonnement de son visage. Il se sentit comme elle heureux et rasséréné. Ils écoutèrent, la joie au cœur, la lecture de l'épître et le roulement de la voix du diacre au dernier vers, fort apprécié du public étranger qui l'attendait avec impatience. Ils burent avec joie l'eau et le vin tiède dans la coupe et suivirent presque gaiement le prêtre lorsqu'il leur fit faire le tour du pupitre en tenant leurs mains dans les siennes. Chervatsky et Tchirikov, soutenant les couronnes, suivaient les mariés, souriaient aussi, tout en trébuchant sur la traîne de la mariée. L'éclair de joie allumé par Kitty se communiquait, semblait-il, à toute l'assistance. Lévin était convaincu que le diacre et le prêtre en subissaient la contagion comme lui. Les couronnes ôtées, le prêtre lut les dernières prières et félicita le jeune couple. Lévin regarda Kitty et crut ne l'avoir encore jamais vue aussi belle. C'était la beauté de ce rayonnement intérieur qui la transformait. Il voulut parler, mais s'arrêta, craignant que la cérémonie ne fût pas encore terminée. Le prêtre lui dit doucement, avec un bon sourire, « Embrassez votre femme, et vous, embrassez votre mari. » Et il leur reprit les cierges. Lévin embrassa sa femme avec précaution, lui prit le bras et sortit de l'église, ayant l'impression nouvelle et étrange de se sentir tout à coup rapproché d'elle. Il n'avait pas cru jusqu'ici à la réalité de tout ce qui venait de se passer, et ne commença à y ajouter foi que lorsque leurs regards étonnés et intimidés se rencontrèrent. Il sentit alors que, bien réellement, il ne faisait plus qu'un. Le même soir, après souper, les jeunes mariés partirent pour la campagne.